Leçon 4, exercice 56. Faire comme si. Transformer. Exemple. Tiens, je croyais que tu étais parti. Fais comme si j'étais parti. À vous. Ah, je croyais que tu dormais. Fais comme si je dormais. Oh, excusez-moi, je croyais que vous n'étiez pas arrivé. Faites comme si je n'étais pas arrivé. Tiens, je croyais que tu ne rentrais pas. Fais comme si je n'étais pas rentré. Oh, je m'étais imaginé au téléphone que vous étiez blonde. Faites comme si j'étais blonde. J'avais cru que vous alliez me téléphoner. Faites comme si je vous avais téléphoné.